feuille. Les crapules t'accueillent, un tour dans le bois peut tourner vite. Pas tournevis qui t'ouvrir les portes de la réussite. Trimoir traîne pas pour te vesqui. À cran je mitraille comme un porte au vécu, comme un porte un whisky. Autodidacte, je crame mon mégot, Satan ricane. T'attendrai pas le pirate des mers avec de la pierre ou des réglisses. T'attendrai pas que le rap me paye, car c'est la haisse qui me fait écrire. Je kiffe les délires psychédéliques, je coffre les dollars planqués au lac. Je frise les résides dans mes récits, froisse les roseaux et cherche autre part. J'ôte pas mon froc, ose pas le ton. Je suis pas ton pote, oh garçon, fais pas le con pour le bâton shop. Pourquoi tu jactes, jasse, chaque molosse jappe devant cette dernière. Je sais pas si tu capes, naze, la bonne occasion transforme en heps, frère. Transforme en heps frère. La bonne occasion transforme en heps frère. La terre est bien plus belle vue du hublot. La 25e. Avec le cœur, avec du flot. Les gratte-ciel chatouillent les nuages. 23h. Le soleil jaune et les fils de la lune, on l'arrache. Spécial la puriste, DJ Masta, yeah. Elle nous a fait mal. J'ai pas la mesure, je vais tomber pour violence conjugale. J'suis dans le coup comme un boxeur ou un torticolis. Y'a pas de bonheur dans un taudis trop petit. J'pourrais être genre de mec, un homme honnête, un tortionnaire clope, trotteur. Ma femme sera un top modèle. Le goût du sang, l'odeur de la piste, tous les coups durs de l'année. Les assos morts, un pack de pasto sur un mur tagué. J'te fais payer pour voir mes chiottes, comme Marcel Duchamp. Chute, corvée de one shot. One. Écoute-moi, mais évidemment que tu changes avant que ça merde. Au gré toi que dans ton cul range ton cutter dans ton duvet, le coat. Ceux qui veulent changer le monde ont des budgets de pauvres. Ou bien les cons avec le budget. J'aurais bien soufflé si j'avais pu mettre pause. C'est tellement sombre, c'est les bons qui paraissent plus suspects. J'enchaîne des 16. Et viennent les serres à des heures tardives. J'ai qu'un essai, je peux gagner seul et sur un fond puriste. Trop plein de décennies, ton fleurisse et puis les visages changent. Tout en sachant que c'est ceux qui manquent qui vivent le plus sagement. Saisis ta chance ou passe ton tour, c'est comme le gouffre. Sans aucun stress, c'est la casseresse qui te laisse au fond du trou. Dans les bas-fonds du cours, le son nous sauve ou pas. Vu comme des sauvages, c'est souvent ça à finir sous au parc. C'est quoi l'occasion, tous ces bouts de face qui sont la belle merde en pleine guerre. C'est tous ces frères qui font la paire, j'perds tout mon temps à gratter toutes ces rimes. Du genre des boucles, plein de dégoûts, j'essaie de faire court, mais j'vois pas le bout de mes lignes. On vit dans le centre de ce monde, on pointe nos propres ombres de snob. Mais prends-toi compte de secondes, les frères entre toi pas la même longueur d'onde. J'gronde contre quand les consignes sont plus que dialogue de sourds. Contre, quand ça te concerne, là tu galopes de sûr, t'essuies la goutte de sueur. Je poireau, je me mure, j'arpente le mur. J'attends à croire que la chance s'appelle déluge. Pas sûr d'atteindre la fleur de l'âge, pourtant si loin du sac poubelle en guise déluge. Potentiellement, ça trouble les fêtes en crise des loges. On gratte des lignes et croise des liens, c'est ça le délire. À ce croire terrible, les gars débloquent. T'es mal épris, sort catéchisme, chine des clopes, c'est chim, c'est glauque. Gros, faut que je trie les fautes qui me serrent le pic. Gauche, on plante leur game, les genres de mecs sur qui les têtes. Wesh, je te fais payer pour voir mes chiottes, comme Marcel Duchamp. Chute, corvée de one shot. One. Écoute-moi, mais évidemment que tu changes avant que ça merde. Regarde-toi que dans ton cul range ton cutter dans ton. Tu fais le code, ceux qui veulent changer le monde ont des budgets de pauvres. Radio Sud.net. J'ai bien les cons avec le budget. 101.8. J'aurais bien soufflé si j'avais pu mettre pause. C'était mensonge. C'est les bons qui paraissent plus suspects. Je suis le genre de mec qui va mal, alors m'envoie pas la question. Tu peux être victime d'agression ou de ma liberté d'expression. Dépression, répression, le récit de nos sales histoires. Alors assieds-toi ou dégage, faire le clown sur une patinoire. Sur un terrain sans doliprane, ma tête sert de ballon de foot. J'essaye de pas franchir les lignes pour éviter un carton rouge. Ça vient de la rue et Paris Sud, là où la rage nous manipule. Y'a intérêt que j'articule, que je me décolle des abris plus. Donc aujourd'hui, où Mardi Gras, donc y'a de la piaf, ça m'ira. Si je m'en sors, c'est par miracle ou grâce à ma carte vitale. Trop de misère et de sirène, je mange la merde. J'y cherche, m'excite frère, je te libère de l'enfer, de l'ivresse. J'ai pas rêvé d'une vie de voyou remplie d'embrouilles, de bibis et de tease. J'ai toujours cherché à m'en mettre plein les poches, pas plein de pif. Maladifs sont mes textes, même si on a appris sans se plaindre. Y'a que dans le déclin qu'on fasse un puissance 5. J'arrive sans rien comme 300 hommes contre 100 000. La plupart du temps c'est galère, encore heureux qu'on s'enivre. J'ai perdu le goût de la victoire, me parlez pas de trophée. J'crois qu'y'a plus qu'une bastos qui peut m'envoyer dans les bras de Morphée. J'ai traversé des déserts comme au Paris Dakar. Si tu montes la rime j'm'en fous, moi j'ai ma famille narvale. Me raconte pas ta vie de garage. J'ai grandi dans un zoo, t'aurais jamais pu supporter de prendre ma souffrance en un coup. Mes pleurs sont dans un gouffre et j'crois que tout le monde s'y retrouve nostalgique. J'ai nettoyé les pattes de mon cigou. Dans la street j'y suis pas, Inch'Allah que Dieu m'en garde. J'te parle pas de squatter en bas, mais quand tu dois, naze dans le square. Je fais payer pour voir mes chiottes comme Marcel Duchamp. Chute, corvée de one shot. One. Écoute-moi, mais évidemment que tu changes avant que ça merde. Regarde-toi que dans ton cul range ton cutter dans ton duvet, le code. Ceux qui veulent changer le monde ont des budgets de pauvres. J'aurais bien soufflé si j'avais pu mettre pause. C'est tellement sombre, c'est les bons qui paraissent plus suspects. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là, il est 23h05, donc c'était le mix de DJ Masta, c'était le mix de DJ Masta, la spéciale puriste avant l'album, donc vous pouvez retrouver le mix directement sur YouTube, vous tapez DJ Masta puriste, vous allez tomber directement sur le mix. D'ailleurs il a fait, je crois, deux volumes aussi de Voilà du rap français, volume 1, volume 2, c'est lourd. Ça fait plaisir, vous pouvez mettre ça dans votre voiture ou en vous baladant tranquillement, ça passe, ça glisse. Je crois que j'ai une petite exclue à vous faire écouter. Là, j'ai une petite exclue à vous faire écouter, c'est Lio et Hématome, là, ils ont décidé de me passer le son, donc je vais envoyer ça, une petite exclue de l'album. Donc, on va faire ça en mode bricolage, hein. On a mis le câble jack directement sur le téléphone, on espère que ça va bien marcher. Donc en attendant, je vais mettre Gambi, dès que Gambi est passé, je remets ça directement à la 25ème. Maintenant j'ai plus Warda, Ali Kanté, Acapulco. Je suis défoncé, je mets les couettes de Puka. Puka, Puka, danse le Mapuka. Il me faut des bonbons, je dois passer chez le Pat-4. Alors Apu, comment va l'ami? Mets-moi un mélange, garde le reste, c'est l'ami. Disserre les craquettes de la chapelle, je réponds pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la date. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Radio La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao Jounès, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. La 25ème, c'est exclusif. Exclusive dans la 25ème. Cette scène. Exclu dans la 25ème, exclu, puriste, exclusive, mec. C'est la vitre arrivée par la porte. Caca mazali train que ça mitraille la prod. J'file par la suite, je me sens pris à la gorge. Vois un tas de parasites qui gravitent à ma pote. Si je t'invite à ma table, c'est qu'il y a le bif à ma gauche. La mif à ma droite, plein d'archiches dans la poche. On agrippera la gloire, mais m'assise par la glotte. Je veux te garder l'espoir, je compte s'éloigner les proches. On sait soigner les plaies, autant gratter des coches. J'ai du raid et je décroche, voir mes poignets déliés. T'es celui-ci, c'est moi, je te vends casque et bélier. T'as celui-ci, c'est demi, tira le gira des mioches. On a pris grave des meufs, jouer les pirates des mers. Dans des pistes graves dégueu, à défaut de fixer ses rêves. Avoir glissé des frères dont les visages ré bleus. Je suis plus petit gars des terres qui marche plus vite que ses bûches. Ma plume rit de ses gueules, drapeau en boom bap. Je fistige les deux, on sera venu niquer le jeu. Tape qu'on m'écoute, aptard d'être un coupable. Tu sais de viser mieux, ma fusée brise les yeux. Enfumé, shit tes bœufs, on a plus prié Dieu. Adulé, ski et pieux, pas ta victime sérieuse. Comité criminel, adulé, ski les bleus. On investit les lieux, crapule les petits ténus. J'ai tout vu par la serrure, ils voulaient gagner le poing entre eux. Garder le plat devant eux, et piller par les regards envieux. J'ai tout fait pour la séduire, la réussite. Dans la 25ème, j'exclus purisme, mon gars. J'ai rendu une visite aux manières visigothes. Lancer la carrière des commis qui s'ignorent. Fumer sur la ville, on picole. Trappe de phase en janvier, je fais revenir les cigognes. Ils se félicitent, j'ai pris Nord, 10 copines, ils s'astiquent leur zizi réciproque. On rappe bien, zizi, t'es mignonne. Fais de la place pour les miens, protéger vos petits trolls. Satan et soif de roguide, on n'a pas l'air malin comme des haltérophiles. Gardez vos feats, ratez vos vies. J'suis là mais j'm'en prends malgré l'aspect tonique. On a largué nos fils depuis l'aube. Lâcher des rimes de pilote, on n'a pas le même profil. J'suis le baron de la verve, le patron de la grève. J'pisse sur le rap depuis le balcon de la reine. C'est pas la même catégorie, j'ai pas de compte à rendre la compte à rime. C'est pas les Qataris qui paient les boîtes à rythme. J'ai des idées maladives, les restes à l'entrée sont descendus par la vitre. En safari dans la Paris, c'est la guerre sur les étoiles de Lucas. Je fais Ranakin aux Canaries, j'en passe à l'occasion. Démarrage au car, le cerveau qui tricote. Mon avocat a pris un avocat. J'ai tout vu par la serrure, ils voulaient griller le poing entre eux. Garder le plat devant eux, et piller par les regards envieux. J'ai tout fait pour la séduire, la réussite jouait pas franc jeu. Si je ressuscite mes poids en mieux, je finirai broyé par l'enjeu. J'ai essuyé mes temps, enfoncé des portes sans pile-biche. remonter des scores sans training. Et quand j'arrive comme Jégor en dérive, la bêtise m'anime, m'en envie de dire. Manquerait plus que mes démons s'appuient en ville. Si la tête sous l'eau amphibien, les couilles trop grosses pour pratiquer votre cyclisme. Ça se parie une conne le sac, la pratique comme Overmars ou Van Basten. Y'a comme un retard sur leur planète et dans leur navet. Ôtez les pieds de mon plat ou j'irai dans vos assiettes. Deux AF en plus pour facturer des murs et des zik. Allumez tous ces débiles, le calumet de la paix c'est pour les mecs pisse. Pas pour mes équipes qui côtoient la pègre. La force des mille hommes dans un coin comme les Wiss au JO. Rebellion sur en 4 drames. Vos rappeurs trop teugs au micro. On roule dessus en 4x4. À fouler les fonds comme Devin Jones, le Kraken en pote. J'galère encore. N'attends pas les renforts frais. Escaloport avec haché grand rhum. Sans marcher dans l'or. J'ai tout vu par la serrure. Ils voulaient grailler le poing entre eux. Garder le plat devant eux. Et piller par les regards envieux. J'ai tout fait pour la séduire. La réussite jouait pas franc jeu. Si je ressuscite mes bras en mieux, je finirai broyé par l'enjeu. J'ai tout vu par la serrure. Ils voulaient grailler le poing entre eux. Garder le plat devant eux. Et piller par les regards envieux. J'ai tout fait pour la séduire. La réussite jouait pas franc jeu. Si je ressuscite mes bras en mieux, je finirai broyé par l'enjeu. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là dans les studios. Il est 23h11. C'était une petite exclue des puristes avant de rendre l'antenne parce que, en fin de compte, j'ai plus grand chose à diffuser. Oui, il y a moi. Il y a l'animal qui veut dire. Mais Mike, l'animal, il est là. Mets le casque. Ah, il y a des gens qui veulent freestyler. Il est là. Ah, ah. Bon, vas-y, t'avais un truc à dire. Vas-y maintenant. Vas-y, mais je dis maintenant. Il est là. Le micro, il est là. Prends le casque. Prends le casque. Voilà, il marche pas. C'est à dire, Mike. On t'attend. On est là. Voilà, il marche pas. Tiens, mets-toi là. Ajoutez Mike 25 000. Doucement dans le micro, Tao. Pas besoin de crier. M'entends là? Ouais, on t'entend. Bonsoir. Oh les filles. Oh les filles, si vous êtes gentils, vous ajoutez Mike 25 000, Mike avec 3 E, 25 000, c'est bon. Mike avec 3 E, avec 3 E. Mikey. Mike 25 000, les filles. Tirer du 6. Si vous êtes gentils, hein. Oh, c'est pas gentil, dis que ta grand-mère. Et merci. Sa mère, la mère. Bon allez, moi j'envoie 2-3 instrus, ceux qui ont envie de kicker se mettent autour des micros. Ah ouais. Donc Tawen, calme-toi, crois pas que tu vas freestyler. Allez, c'est parti. La 25ème, 101.8, radiosud.net, 23h13. S'il y a des frères qui veulent écouter aussi en même temps, il y a la petite salle à côté, si jamais, avec la radio, si jamais, parce que vous entendrez pas. Yeah! EZD. Yo! Nique les détracteurs, les élus corrompus. T'attends quoi? Tu veux des sous? Je te parle quand même de ce qu'on veut plus, de ce qu'on peut plus. Assumer fort, le doigt sur la gâchette, effort de plus. Si c'est la fin, que je lui décroche la calotte de ses morts. Principalement, les corps se comptent comme nous 36, honteuses. D'avoir un porc comme attraction, qu'il sorte la scie sauteuse. Après la gym, qui passe un coup, te faire des guillis. Prendre une balle dans l'œil de droite, te fera comprendre que la fête est finie. C'est la merde, on perd du temps. Tu rentres le soir sans l'embrasser, de panique, tu t'emplis. T'emplis tout seul devant ton ombre, assez de parties sous gros cachet. Comme un drame pour un pet tout pété, petit, mais laisse partir cette saloperie que t'as beaucoup aimé. Si tu comprends pas, laisse tomber. Tu croyais pas qu'on enlèverait la muselière pour rigueuler, mon garçon, tu sais ce qu'on veut. Tu sais qu'on sait ce qu'on veut. Parloir ou peine, sans une seule chance de s'en sortir, n'a plus d'espoir, sa couleur est peine. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si jamais il y a un troisième micro, les gars, il est là. Hein. S'il y en a qui veulent kicker, allez-y. 23h15. Bon, freestyle improvisé, open mic improvisé. Je vais mettre comme ça, je vais mettre comme ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça arrive. Plus fort. Ah, là, je peux pas. Tu peux capter mes tics quand je suis tapis. Une dégaine de déquisse au café. Jeunesse dépassée, une noisette, une gare au quai cassé. Une masse, ça s'achève. Je manie les graves, les aigus. Faut des écus. Puriste l'écurie, j'écris des tueries, eux font des skus. Rien à foutre qui s'excuse, on les punit, sont bancales. T'es ma mon débit, gros débile. Au début c'est pénible, faut banquer, c'est cocasse. Y'a pas d'occasion, je réponds pas, j't'ai bloqué, j'suis pas la grosse tata. Ma beauté c'est pas what, du gars la Kotaga. On grandit trop vite, on se balade au tropique, j'digère l'argent de la CAF. Ouais, j'suis pas là. Ouais. En garde-ave quand ma maman m'appelle. Absent comme geôlier, petit j'ai zoné, j'ai changé, c'est plus la même. Je fais sauter tes barrages, peur assez banal, on caillera comme Galas. Amoché la ganache, peur assez pénave, remballe tes palabres. Bebanks. On envoie du classique. Ok. Ok. Vous voulez froisser des classiques comme ça? C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ça fait. Les années passent et rien de géchant, si ce n'est que ça sombrit l'horizon. Je reste sobre, j'ai mes raisons. Ces aléas méritent les jambes, sans battre les noix que je mérite le job. Demande à Jam, nous jab tes skins. Crois pas que nos zincs sont bons qu'à hérite de kills de drogue. Plus de casier, vite et vite dehors, petit. C'est pas terrible, on me l'avait dit aussi. Je suis au-delà des risques où ça se fait rare. Le dioxyde au lit aussi t'avance. N'oublie pas qu'ici peu s'endorme. Mais il me faut sortir du silence. C'est pour que j'écoule mon pesant d'or. Mardé, écoute, on peut s'entendre. Moi je me débrouille, mon vieux, je m'en sors. Les rats dégoûts sont peu s'entorche, sature. On fait que ça fait, c'est l'ossature. C'est qu'une fois tout s'enterre, sais-tu qu'on pourra apaiser nos fractures, appréciez nos ratures, faites pas de messe basse. Au fur et à mesure, le cliché se ternit. Les années passées avec la poisse qui s'éternise entre crise et vermine. En attendant que la crise se termine, reste à l'écart. On savait pas que la triche est permise. L-Y-O, favelas, la milice puriste. Yaya, Radio Sud. On pull up, c'est avant. On pull up, on pull up. Douce folie. Ça fait. Douce folie. Douce folie. Tu puisses il est 12 midi minuit. Le monde sous l'hymne nuit. Insomnie avec le jour, somnambule la nuit. Sourire aux yeux, regard aux lèvres. À l'école de la vie, je suis mauvais élève. Cicatrices en... Poula, t'inquiète, au calme, au calme. Tranquille. Au calme. Douce folie. Douce folie. Douce folie. Douce folie, je sais plus s'il est 12 midi, minuit. Le monstre sous lit, minuit. Insomnie avec le jour, somnambule la nuit. Sourire aux yeux, regard relève à l'école de la vie, je suis mauvais élève. Cicatrice à mort, blessé au glaive. Ma trace dans la cour de récré, c'était mes glaires. De mon bordel, je veux qu'ils en crèvent. Dans mon crâne des siècles de rêve, mais c'est trop tard. Gros, je t'ai dit que c'était trop tard. Je t'ai dit que c'était trop tard. Je t'ai dit que c'était trop tard. Dans mes cauchemars, je suis à l'aise comme une pute à l'hôtel. Je serai toujours seul comme un autiste dans mon del. Ou comme un pompier dans le feu pour pas que certains finissent sous mes semelles. J'ai préféré baisser les yeux. Et tu vas monter de niveau quand tu vas voir que certains ne volent pas plus haut que ton épaule. C'est la haine qui m'aime, mais c'est la mort qui me frôle. J'en ai vu partir, personne te force à rester dans le hall. Un pirate, ça se fait seul, ça s'use pas. J'ai pas d'armes, j'ai que mes couilles pour combattre. Je suis un bâtard, les cons, je frappe. J'aime pas les fils de pute, faut vraiment qu'il y ait du sang pour que tu le constates. La lune ne sourit plus et le soleil nous brûle. Je parle aux étoiles de mon amertume. Un peu d'alcool, je partage avec le bitume. C'est nous les gosses bipolaires, on a perdu plus de proches que de thunes. Tu sauras la vérité, blesse. Le mensonge tue, je rappe mieux que la plupart, pourtant j'ai jamais été au stud. Aïe aïe aïe aïe aïe. Banks, banks, banks. Est-ce que tu peux remettre celle d'avant? Aïe aïe aïe. Bien joué mon gava. Lourd. Mais banks. Premier freestyle. Premier freestyle dans la 25ème. Comme d'hab, on accueille ça directement. et on repart sur les classiques. Wesh mon pote, comment ça va toi? Moi tranquille, à part la hache, j'ai pris des rides, des cheveux gris, j'ai pas de genre quoi. Alors j'embrasse encore, je taffe comme un opérateur. Je tire sur quelques pets pour oublier que mon futur fera peur. J'ai pas trop fait le rappeur, là je vois la spip, mais j'oublie rien, j'aime pas la rue, cette grosse putain ne me raconte jamais la suite. Depuis je suis pris pour cible, plus possible d'être accusé pour tous mes défauts, je suis défoncé, c'est pour ça je suis pour vivre. Entre les déliés, les diables, le mal mène le bal, j'espère un gosse, mais alhamdoulilah, je connais ma princesse. Regrette mes principes de base, pourquoi je les incite, c'est cave à faire du bif avec ma team, vois plus rien ne m'arrête. Mais j'ai un toit, oh, j'ai un 3, on s'en vante pas, mais dis-toi bien, beaucoup de nous tous n'ont jamais plus que leur foi. J'ai fait aucune scène, aucune peine ne m'a, j'adope aucune chaîne, aucune d'elles. Tu verras que le cancer se boit. Yeah, yeah, hey. Je vois que des barrières, y'a rien qui nous propulse. L'horizon reste lointaine, on se fixe aux thunes. Mais dès le paraître, c'est bien ce qu'ils nous proposent. Dont ils ont fumé, on traîne sur le banc, vête sur blanc crade. Regarde, partir en fumée, nos jeunesses, patrie d'enculé, faut que je te laisse, mais j'ai plus que 30 balles. Bad, je m'obstine à trouver le job de rêve, mais faute de peste, j'ai plus, je rentre stade. Au dernier rang, je stagne, non stop. Contre nous-mêmes, c'est pas la guerre des gangs. Je capte que pour te la mettre, y'a pas besoin d'élégance. Donc serre les dents, on met les gants, où est les grands, faut leur blé tranquille. T'en trouves pas, mais les dents filent. Moi, je veux que mon fils squatte l'amphi, pas que sa vie parte en friki. Frime, boive et spliff, pas ou qui freestyle en ville. Car la zig casse l'envie, faut pas se mentir, manquer le faux pas. Tes placements de rime n'encaisseront pas les chlasses dans le bide. J'ai pas 30 piges, j'arrive à bout, ja ouais. Un bout de jaune, ma bouche baille. Plus que j'ai senti que la vie a le goût de diarrhée. J'ai du mal à faire confiance au genre humain, déjà enrhumé. Mais le vent revient dès que je m'en remets, donc je m'enroule un. Je m'estime content que je puisse enrouler, ouais. Je fonce en ramant, mais le temps prévient que je risque d'en couler. J'ai du mal à faire confiance au genre humain, déjà enrhumé. Mais le vent revient dès que je m'en remets, donc je m'enroule un. Je m'estime content que je puisse enrouler, ouais. Je fonce en ramant, mais le temps prévient que je risque d'en couler. La 25e, 23h22, Open Mic, 101.8, Radiosud.net, 43 rue d'Arène, si vous voulez nous voir, on est là, y'a pas de soucis. Yo, yo, yo. Ça fait, et... Yeah, yeah. Et les cauchemars d'ici, ce sont des rêves ailleurs. Un futur dans des débris comme fils de ferrailleur. Sauver une âme, c'était pas dans tes prix. Un collier de prisme dans tes clips. Faut faire des hits, mais j'ai des sauts d'humeur. J'ai bientôt 30 balais, toujours plein de cases à cocher, tous en grande galère. Mais j'ai un grand lit comme couchette. Mais garde mes songes, on crée de la carte de son, de la mémoire vive. Car de mes convives sont partis vivre en perdition, hein. J'aurais dû me douter quand j'ai vu ce collège gris. J'sais d'où je proviens, même en province, on peut tourner l'esquive. 10 ans après, l'HP, la tôle, l'annexe, ma 3ème 6. Ça me met la rage, faut qu'on se cotise pour faire le mandat à RAF. On est plein de yeah, yeah, yo. 30 balais, faut faire du zé, zé, yo. On signe contrat à 15, j'me sens contraint de Pera. J'côtoie que des rats des villes. J'dérapais vite sans faire les fils, on a piloté le feat. Yeah. La tease la fume comme médicament. Je me rends compte que c'était mieux avant. On était loin de tout ça évidemment. On avait rien, on était bien. Puis on a tous rêvé de grosses berlines allemandes. J'suis là à la 25ème, j'fais ma radio. J'suis plus studio, j'vais au studio. Avec tous les héros, avec le MKS, tous les mecs du ghetto. J'suis là autour de la table, on fait des impros. On fait des open mic, on est chaud. 101.8, ok. J't'ai bluffé là, fort. Fort, fort, fort. Open mic improvisé, c'est comme ça. C'est la 25ème. Pas la marire, j'suis ce monde qui a vu s'écraser le cerf-volant. J'fais que me creuser le cervelet, j'balade la rime, plus le chrome. Ma ville, plus le crime, ma vie, plus le crabe, vu le drame. J'navigue sur le vice, rien Arthur, pas j'fustige. La vie vue de face à 10 sur 10, d'attitude vive, quoi. Qui dit sur 10, l'artiste sur beat, j'achis sur lui, la bitch, on nique le foie. S'attitude puis, capitule vite, j'foire. Quasiment tout ce que j'entreprends, bâtiment douce, tu rentres et prends. J'arrive en boule, t'es dans les rangs. ressens l'errance. Fils, je récite ma ruse, aiguise ma plume, je vise la lune, m'arrive de douter quand je m'élance. T'arrives, viens doubler, grange tes ventres. C'est pas la gloire qui remplit le frigidaire. Ça fait quoi faux au poteau? Épargnez-moi de mise en place similaire. Petit à petit, je finis l'herbe. Ma coutume, c'est de vision floue. Vive ma vie de criminel, c'est pas du tout ce que nous visons tous. Horizon pour prix de misère, j'ai frit de viscère au risque concours. Nos raisons pour écrire divergent, finir l'hiver comme triste concours. Puriste, puriste. L-Y-O. La milice puriste. Tu connais. Ça fait. Change la prod, ça fait. Sinon, faut que je m'arrête, fume de la drogue. Ok. La 25ème. La 25ème. 23h25 sur la 25ème. Babanks. Babanks. La 25ème. Babanks. Sur la 25ème. Ok, hein? J'ai envie de tous les fumer, mais j'ai pas envie d'enterrer les corps. J'ai envie d'être chéri, mais j'ai la flemme de changer de décor. Envie de violer le rap, mais je veux pas passer au tribunal. Envie de voir ses formes, mais j'ai la flemme d'être dans la drague. Hein? Envie de les fumer, envie de baiser, envie de me barrer en vitesse, je dois choper le million. Envie de massage, envie de cassage de bouche, envie que ta mère pleure comme nourrisson. Hein? Envie de voir la lumière, car tout est noir ici. Envie de voir de vrais projets aboutir. Hein? J'ai envie du mal, mais j'ai envie du bien. J'ai envie de te faire du mal, mais je veux pas ton bien. J'ai envie de fumer Batman comme Joker. J'ai envie de voir la joie, mais la haine m'aveugle. J'ai envie de dormir à bonne étoile, mais je dois être sur des coups. Ah! Bangs, bangs, bangs, bangs. Glock 2-6. Dans le placard à chaud, c'est un bloc massif. Du mousse et du mouette, l'album allait de boucler, faut bouquer. J'suis dans le peur à toi, le bouquet qu'enculé. J'suis resté poli, j'suis pas monté. J'en ai plus rien à foutre, j'ai pas signé. Les projets sont carrés, j'dois manquer comme Karen pour un net dégraillé. Amen, allez, ramenez-les tous. Menace l'équipe, on est sourd. Tour dans la four, on est quitte. Montée de phéromone, on va te faire un bail. Hey, tu crois que c'est joli le rap, ouais? Un 4x4 et des vides teintées. Toi, t'as signé le papier. Avant toi, vite, ouais, une vie de rintée. J'ai peur que les copains prennent des peines de toquer. Ça résonne dans le toki des condés. Des secteurs qui se monnaient, on sait qui on est, des copies, tes compères. Hey, donne du respect, enculé. T'es face aux aînés, on n'est plus des petits. Tu peux parler, ça y est, on se croisera en régie, on verra qui est qui. En concert, on t'invite. Peu de chance de me croiser dans un VIP. Ton avis, je t'en enfile. Je m'en conne, c'est magique, on va causer de ma zik. Ouais. Babanks. Babanks. On va causer de ma zik, ouais. Yo. Puriste. On va causer de ma zik. Absent du dîner, même pas là pour le prêche. En retard, plus la crèche, lève mon doigt pour dîner. Carreau brisé, c'est qu'à vacciner. J'étais déjà obstiné, même pas lâche pour le sexe. T'es pas là, son pan avancé. Calache et garde à fonce des. Tu cries quand t'es mort, nous t'es pas là, on se t'est. Observe bien ceux qui stagnent, t'es pas d'avancer. On rappe qu'à danser, mental à l'ancienne. T'as pas lancé, rayon, n'est pas dans ça. THC condensé, crains déjà qu'on décède. C'est que la pensée t'étonne pas que j'ai des cernes. Jamais rien décerné. Nous-mêmes chercher nos scènes. Viens pas nous reprocher, déserté. Parti chercher l'oseille. Le sommeil en a chavé ça depuis un bail. Soleil à la plage, nique sa mère, j'file en taille. Peu philanthrope, putain, speed dans le crâne. Mon pote, faut qu'on croque dans un esprit rentable. Je m'esquive en crap, tu vas rien remarquer. T'as rien capté que j'ai l'esprit dans le vague. Et pris d'angoisse quand je vois l'actu. Je rêve plus de la thune, mais de voir l'acté. Babanks. Eh, on fait des sauts dans le temps, mon vieux. C'est ça qu'on veut. Ah oui, des grands écarts. Vendu dans la merde, pourquoi veux-tu que je nie? Que des gosses sans père, mais je dis que c'est les pères qui oublient. J'ai trop galéré, je peux pas vous ressembler. Que tout le monde ferme sa gueule quand je parle ici, c'est pas l'assemblée. Eh, je suis du père, je sais plus, j'ai fait combien d'insomnies. Sale idée, demande au monde sous le lit. Eh, insolent, je buvais du jack au biberon. A trop joué les voyous, j'en ai vu se manger sur le béton. Nous on a la tête sur les épaules, ils l'ont pas dans le guidon, ils ont le guidon dans le cul. Pour m'égaler, faut bien plus que des couilles. Une menace et je te fais bien plus que des cendres. Mes refs ont le cœur froid, mais ils sont pas nés en décembre. À 6 du mat, c'est pas papa Noël qui descend. Eh, descends dans les bas-fonds, tu verras qu'on peut te monter. Si je t'offre un cadeau, on appelle ça commenter. Lui prend la grosse tête, mais c'est sur le sol que je vais le laisser. Pas comme un trentueur à gager une femme de ménage, c'est que les deux ils essuient. Pas comme un lui et sa sœur, c'est que les deux ils me s'essuient. J'attends l'ascenseur comme j'attends l'ascension, histoire de monter. Si je pète le million, je me paye des shots diamantés. Pour qu'ils voient que même avec des sous, la merde n'a pas changé. J'emmerde les racistes, ça je vais pas le changer. Tu parles d'un m'enculé, t'as pas le chargeur, j'ai pas de peur, donc enculé je me venge. Et quand je parle de folie, recule c'est étrange. Chacun sa mère, perd des max pour marcher dedans. Hey. Dans la ville, moi je marche sans peur. On a fauché des réputes, on est sans peine. Pour net, y'a pas sans façon, mais je me suis fait tout seul. Jack Miel sans garçon, je t'aveugle si t'essayes de porter l'œil. Survêt Takini, j'en deviendrai l'égérie. Hey. Donne-leur le pouvoir, tu verras qu'ils savent pas le gérer. Ces bâtards s'inventent des vies, tu verras qu'ils savent pas rapper. Si je les tue, je garde le corps, je tège le cœur pourri. J'ai jamais compris pourquoi on me regarde comme un ange avec des cornes, l'impression d'être un démon dans le mauvais décor. Ramène pas des prods, je les découpe. Ramène pas tes potes, je les dépouille. Les fils de pute, c'est bien plus que des cons. T'es seul mon navire, si tu coules, t'auras ma bite. Si tu gagnes pour m'avoir, faut bien plus que de la haine. Hey, la haine se fait, comporte des sables. Ah, bébé, aïe aïe aïe, t'as cramé ça. T'as cramé ça. Purchase your tracks today. Comme il dit, on fait des sauts dans le temps. C'est pas bon ? C'est pas bon ? Je refais un saut dans le temps. Je sais pas si j'ai de la mémoire. Ah non. C'est cool ici. Ici, ouais. Yeah. Jeunesse parsemée, faut que j'en parle avant mes 30 balais. Ouais, tu sais, le brocard des jeunes d'ici sont plus très nets. Tout sépare nos rêves des tiens, pousser des transpalettes. Regard éteint, regard mesquin quand les condés m'esquintaient. Plus je grandis, plus je perds des proches, plus mes amis se castagnent. Une musique instable, un lit des snares, je suis bon qu'à ça moi. Je veux pas rêver les foules, mais vu la houle, je m'attache à mes principes, je suis trop précis quand tous ces genoux ne m'attaquent. Elle colle la drogue, on fait périr des veuves, je les reconnais plus. C'est ridicule, on se parlait peu, c'est toujours pas résolu. Ce soir, je te laisse les kicks de trappe au coin de ma rue, c'est crade. Ce soir, je te laisse les kicks de trappe, hein. Quelle que soit la mode, on rêve de sortir l'M3. Sous 10, c'est pas la même, j'ai pas l'impression que tu m'aimes. Toi, seul pour du fric à dépenser. Des pensées formelles, une seule pour t'enfoncer l'esprit à cause de toutes ces formelles. C'est que là, souvent, te brise. Le soir, tu marches en deuillet. Christian, il a une arme sous son oreiller. Tu portes un treillis, elle se fait fourrer par le survêt. Combien de fois sous la pluie j'écrirais ça, faudrait que tu suces. Alors j'encaisse les coups, détestez-moi. Les principes hormis, les lois qu'on nous impose, vos récompenses à braquer même les rois. Tu penses en fait, j'ai la tête qui fume, posée sur le bitume, roule un joint de canard. Comment faire des thunes, un seul tube me suffira. J'ai plus rien à prouver, dealer qu'on vendait de la para avant que le rappeur devienne leur dealer. Sur la tête on déménage, le bloc en 16 mesures. Ça parlera du pactole chez la femme de ménage. Mal si c'est. Ok, ça fait. Cicatrisé par la vie, laissé par les problèmes de l'ennui. Et la nuit, je réveille le monde sous lit, histoire de pas être seul pendant mon insomnie. Je transforme en rat, la petite souris, je transforme en masque, mon sourire. À face au problème, je suis seul, ces PD ne tendent pas la main, ils portent l'œil. Petit, porte tes couilles si l'humain est mauvais. Si je le porte dans mon cœur, je risque de saigner. Je bois de l'eau maudite pour noyer mes péchés. Pas de patience, je suis un mauvais pêcheur. Je vise le top 1 s'il faut, on trichera. Tisme est fier de l'être, tisme comme un zèbre. Celui qui est pas content, bah, je lui mets mon zob. Dans ta piste, tu t'es noyé, moi dans la merde, j'ai nagé. La tête, je suis relevé de chaque galère, je me suis sauvé. Ma tête a frotté le bitume là où tu poses tes petits pieds. Je suis petit cœur, t'es plus broli. Ah putain. Yeah. .33 dans la 25e, 101.8. RadioSud.net comme d'hab. Petit open mic improvisé. Je fais un texte habituel. Arpatselek. Dizda dans la maison. D-I-Z-D-A. Chaud. Ça te l'attrape ça. Hey. Je pull up directement. Deux couilles, un coup de feu. 23h33. Un coup de feu. On est toujours là dans la 25e. Il y a deux du couilles, monde. Un coup de feu. 101.8 radiosud.net. Deux Chao. Couilles, un coup de feu. Deux couilles, un coup de feu. Un regard des envieux. chaud, deux chaud, couilles, chaud, un coup de feu, chaud. Un regard des envieux, hein. Ça fait deux couilles, un coup de feu, un regard des envieux, chaud, hein. Deux couilles, un coup de feu. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Deux couilles, un coup de feu, un regard des envieux, un aveugle qui porte l'œil, un manchot qui tient la sacoche, un Yankee qui se prend en Porsche, une belle fille qui finit moche. Deux mots, je te raccroche, une taille sous le manteau pour deux flashs, un cœur pour peu d'amour, de la haine jusqu'à la mort, des frayeurs mais aucune peur, des remords mais aucune peine, absent toujours occupé, sourire gravé au cutter. Même innocent toujours accusé, ouais, même innocent toujours accusé. Œil ouvert même après fixe, mes disquettes elles les apprécient. J'ai pas le temps, il est précieux, sur répondeur je suis pressé. Problème oppressant dans le futur à présent, RS4 traces de pneus, ligne droite, personne dans le rétro. En avant sur le chrono les pneus vont cramer. Une paire de poteaux, des rêves abîmés, une menace, tes yeux vont se fermer quand d'autres vont pleurer, hein. Trois mesures qui sont là-dessus. Attends, hein, je peux faire trois mesures après tu changes. On a le droit à ça? Bien sûr, y'a pas de règle ici. Ah, j'essaye. Vas-y. Illogique que tu m'aimes tant. Passer par la douane, on sortait absent. Bif, pas de principe, gros, c'est le joie qui détend. On a vendu des kilos qui tombent écras à ton pif. Trompé absensible, force à abstenir. Immortel égore, on imagine trop de scènes. Force c'est pas la suite de t'arrêter, tu trépasses. Logique, c'est pas la balle, mais le fond, faut que tu saignes. Sauf à tout ce qui reste avec un geste de l'industrie pour leur gang. Tellement de rumeurs et j'en passe. Clairement qu'on s'en branle de ta foucave pour l'éviter de balancer pour notre bande. C'est pas que la crise de temps passe, on est un sans trace. Putain, crash sans tâche, t'en es plein de panneaux. Ouais, t'amuses. J'étais en train d'écrire en fait, t'as capté? Normal, on switch. On switch. T'inquiète. Voyage dans le temps, direct. C'est infini, la nuit porte conseil, ma haine aussi. La folie ne doit pas être prise pour acquis, elle est très docile. Moi je vous le dis, sans prendre au loup, c'est ne pas avoir peur de se faire croquer. Je saute dans la fosse au lion, moi j'ai pas peur de me faire manger. Je t'encule sur conseil de mon frelon, on a des rêves effrayants. T'es pas tombé sur un os, mais sur un loup, petit chaperon. Y'a pas de jaguar devant chez moi, tu baisses des cougars, tu te sens vieux. Je t'éclaire en plein phare, je t'abîme les yeux. Tes cauchemars finiront lumineux. Pas de mauvais angle, je les brûle au bic. Mauvais oeil, je lui arrache son air optique. Le canon se voit pas derrière vers opaque. La fuite se fait s'implanter max. Au pied, j'ai du classique 90. Département, 25 000. Du mal à fermer l'œil après six. Quand je donne des conseils, prends ta gueule après six. Hein. Ah. Putain. Eh. Moi, j'ai pas fait mieux qu'un autre. J'ai quelques traces à l'intérieur qui valent un monde. Je dirais menaçant. J'écris des tas de choses sur moi et sur la rue. En partie secrète dans mes sales proses. Dépose des roses sur des pierres bétonnées. J'ai plus la tête à imaginer faire la fête, n'en sois pas étonné. Je connais quoi de ma vie, j'écris c'est fascinant. Mais sans l'enfer, hein, je vois un merde dans mon licenciement. Sentiment comme le règne, impardonnable à part la mort. On imagine des potes qui pèsent faire péter par le raid. L'homme est sans accro, les femmes ne veulent plus rien entendre. La coke, le pistolet, quand elles comprennent qu'elles n'ont plus qu'à attendre. Rennaise. Bien sûr, les poules. On s'adapte, c'est la 25ème, c'est improvisé. Yeah. On envoie ça comme on veut, 23h38, tu connais. On peut switcher encore, on peut switcher encore. Rapper c'est facile, je te montre. Crois pas que ça fascine le monde. Non, non. Du temps j'y ai passé, passion égarée. Passe à la caisse et en bombe. Quelques années qu'on ronfle. Le réveil est brutal, sorti du plumard. La dame est monstre, un chromé démon. J'vois tous mes démons. Yeah. Rapper des heures et des années. Frapper des prods et les laisser mortes. Tu vois le décor, tu vois le décor. Wasta désolé. Wasta désolé. Envoie la prod, on la casse. Casse. J'vois que tous tes gars ça dégueuche. Pas méchant à la base, j'vous envoie des cœurs. On a cassé des gueules. Je vois la vis qui est ta gueule. Je tape la vis qui débarque. Ma ville est maudite, plus rien nous motive. On la connaît par cœur. Ma ville est maudite, on la connaît par cœur. On la connaît par cœur. Ouais, ma ville est maudite, on la connaît par cœur. Yeah. La 25e. Jour se lève sur les rues de ma ville. Je pense assez au ciel qu'on a vu partir. Je roule en Clio, prête à Stone Martin. Je rêve du million côté les thunes par mille. Pour l'instant, je dis en passant. Si le bonheur m'attend, j'ai perdu patience. Percé dans le rap, signer des contrats. C'est pas pour moi, ça reste un passe-temps. Je suis dépassé, je vois des petits frères bloqués sur le terre-terre à refourguer la planche. La conseillère nous a orienté vers un arbre où y'avait pas de planche. Dorénavant, je vais de l'avant. Grand sourire devant monsieur l'agent. Tout est en règle, c'est embarrassant. Il regarde quand même d'un air menaçant. Tous coincés dans la salle d'attente. Faut faire le taf, provoquer sa chance. La rue te regarde d'un air attachant. Avec les années tu verras ça change. Quand c'est ton pote qui passera à la barre. Quand c'est les bleus qui retourneront la cave. Quand les soucis s'inviteront à ta table. Quand t'auras tout perdu sur le macadam. Une raison de plus pour pas traîner. Je te donne un conseil dans ton intérêt. Quand y'a des bails, tu te laisses engrainer. Une fois dans la fosse, personne va venir t'aider. Mayday, mayday, qui sont les vrais? Qui sont les ennemis? Ouais, qui sont les traîtres? J'avais la dalle dans la cour de récré. Bâtiment rose, 135 RDD. Oh, automne, hiver, été. Aujourd'hui j'ai 28 printemps. Je me disais que la vie était belle. J'ai perdu papa à 20 ans. Hey, crois-moi, rien de marrant. J'imaginais pas tout ça au démarrage. Tout le monde est là quand tu manges à ta faim. Mais y'a peu personne quand tu débarrasses. Ciao, ciao, ciao. Bangs, bangs, bangs, bangs. Yeah. Yeah. Si je m'invite dans ta fête, c'est pour viser les lots. Je suis un mystère avec l'eau qui s'imbibe devant la fenêtre. Si je vois la misère avec l'or, je mets trop de temps pour l'admettre. Je navigue à l'aveuglette en trapissant les hoches. On m'a visé l'épaule, mon ami, c'est mes poches. J'ai trop vu glisser des roues, donc j'applique des méthodes pas apprises à l'école. J'économiserai des forces. Sodomise les féroces, laisse les sautoniquer. Sauter du tourniquet, c'est un porno précoce. Pas quoi polémiquer, on va coller des gauches. Mon gars pour ton ticket, sois pas timide, approche. Bang, j'ai pas fini ma broche. Qu'on s'approche, déjà dure pas de midi. T'minique, t'accroches, tu manges une route. 4 ministres, du rhum coca, j'm'administre. Chien autocalme, si je rentre trop tard, ça va se finir en bas de sinistre. Emballe ton micro-trottoir. Dans glace, j'ai mis trop de vodka. J'ai pas de limite, fais pas le mili. T'en cas de litige, t'angoisse comme mytho au star. Banks, Banks, Eli, Greg, O, Favelas, La Milice, Pulis, Bezac, Banks, Banks. Pas facile, hein, c'est pas facile, hein. Yeah. Et je garde un doigt dans l'engrenage, en espérant de saboter le roulement. On se noie dans l'engrenage, en espérant d'abord du courant. J'attends le breuvage, attends, j'attends, attends le sevrage. Je veux prendre le large, à quand ma chance avant le naufrage. Là j'en ouvre jamais fiance con, je pense qu'on lui fera jamais non plus. Mon enfance dans le fond, c'est en famille que je lavais mon pull. Si tu savais ce qu'on sut, si les darons savaient ce qu'on fut. Même si gamin j'avais mon truc, les lendemains paraissent confus. C'est la paresse qu'on fuit, paraît qu'on n'a pas l'apparence qu'il faut. Et c'est pire avec ce qu'on fume. Imagine la cadence qu'on suit et ce jusqu'à ce qu'on se tue. Vis-à-vis de moi ça sent le conflit. Et le goût du gras je consume, petit à petit me lasse et ça se complique. Mes gars se confiquent à la feuille, écarte conduite à l'avec. Les ch'tards bondissent à la fouille, c'est l'odeur de ton shit à la peu. Béton si t'as la mieux, t'as beau pépon, tu feras la queue, man. T'as trop joué le con, le doigt dans l'engrenage. Je leur ai tendu la main, ils ont chié dessus. Qui se peinent pas si je leur pisse dessus. Ils crevaient d'au-dessus, ils sont en dessous. Je pose mes couilles sur la table, ils sont assis dessus. Je les tue sur le son, ils meurent sans sang. Je veux vivre ma vie comme un film avec plusieurs saisons. Dans la cour des grands, à notre table, ils sont pas assis. Dans mes affaires, je suis assidu, mets le nez dedans, tu finis à croix lassé. Je te préviens pas, je te menace. Travail minutieux, je fais kiffer leur sœur. Travail minutieux, je fais kiffer leur sœur. Si t'es encore chaud, y'a encore un peu de temps. Sinon, je rends l'antenne, mon gars. Triple S. Suce-moi sans sucer. Noir RS. Ça fait. Triple S, suce-moi sans sucer. Noir RS, dans mon cœur sans souci. Porte-moi l'œil, j'ai un sixième sens qui frappe sans dire attention. On prend les virages sous pression. On prend les devants sans question. On te devance, tu restes là en garçon. Te chie pas dans le casson, ici la lumière paraît très son. Je veux milliards de millions, je suis moche, pas mignon. Les suceurs ne demandent pas d'opinion. Sans scrupule, suceront qui sucera nos baiserons. Des égos, nous tuons, des échos, j'entends. Ah, mais moi. Me mens pas le mensonge, je te parle pas de langue. Je te crache dessus et tu tends la langue. Je te demande pas l'heure, tu braques tout le temps. Je te monte en l'air, tu crois être sûr de temps. Laisse la place où tu peux, tonton. Il est fini, tonton. J'espère les menaces, il les entend. J'ai double sans qu'ils s'y attendent. Quand ils sont au sol, si des riches considèrent que j'ai gagné. Hey. Eux, c'est pas des hommes, c'est des hommes qui aiment les hommes. Ils sont pédés. Je vais tous les mettre en sang sans retenir mes coups. Violence de mon derrière. Hey. Ils ont nez dans la coca, je bois mon tropico. On est trop chaud, on voit le climat tropical. De la folie, je suis piqué. La haine est trop piquante, je connais. Ah. Je switch. La 25ème, 23h44, Money Time. Si t'as un dernier petit couplet, c'est le moment, mon gars. Je suis pas sur le navire mais mes pirates y sont. Tu veux te faire le capitaine, ils vont tes sauts. Ah ouais t'es souple, ah ouais t'es fort. La rafle se fait perdre des couilles, on retrouve des corps. La violence sur mur blanc, voilà le décor. Ici t'es vivant, que quand tu meurs. Et si tu clignes l'œil, nous on voit la peur. Tu parles trop, on te voit l'acteur. Un fils qui meurt, une daronne en pleurs. Une daronne meurt, une famille en deuil. Le froid de la vie fait trembler la ville. Chacun son heure, c'est une épreuve de patience la vie. Du beau chemin j'ai pas vu la voie. J'ai suivi conseil du mieux l'ami. Il m'indiquait la route de l'aveugle je crois. Je suis perdu sur route aride, hein. 2-5 triple 0, tu vises les heureux, nous les zéros. Quand on gagne, on perd nous, ils sont en chien, on est des loups. 2-5 triple 0, tu vises les heureux, nous les zéros. Quand on gagne, on perd nous, ils sont en chien, on est des loups. C'est comment, t'as un Instagram, t'as des trucs, t'as. Ouais, j'ai un Insta. Allez, dis-nous tout. N-A-du-bas, B-O-Y. Attends, redis. N-A-du-bas, B-O-Y. N-A-du-bas, B-O-Y. Ajoutez sur Insta. Vous voyez les gars, nous, il y a n'importe qui. Tu peux venir, tu prends le micro, tu kicks. C'est comme ça, Radio Sud. La 25ème. On est là normalement jusqu'à minuit. Là, il est 23h45. Bon, les mecs ont improvisé un freestyle comme ça en 5 minutes. Mais personnellement, moi, j'ai terminé l'émission. Je sais pas si t'avais encore un petit truc, non? Ça y est. Yes, merci en tout cas. Petit freestyle improvisé. La première heure, c'était diffusion de sons locaux. Donc, on a commencé par Dijon, on est repassé par Besançon, on est allé à Montbéliard, on a fini à Mulhouse. Il ne s'agit que de ça. Promotion de la culture urbaine. 23h46, je rends l'antenne, c'est Chao. Big up à mon gars Junez, big up à mon gars Théo2S. Un petit bisou à Gra, un petit bisou à la famille Bouquet. Et n'oubliez pas, sinon, pour ceux qui kiffent les open mic, qui kiffent tous ces délires-là, ce dimanche 10 novembre de 19h à 1h du matin, 3 euros, tu viens au Kings, rue Battant à Besançon, et il y a une soirée Back to the Real Hip Hop partout. Donc venez, il y a plein de mecs d'ici qui vont passer, qui vont kicker, il y a un open mic, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, bon ben je vous laisse. C'était Chao pour la 25ème. Je vous balance. Je vous laisse avec un dernier son. C'est. Attends, je cherche. Un dernier petit son, c'est mon kiff du moment. C'est le Fa. Le Fa mauvais. J'envoie ça. Et je rends l'antenne. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur 101.8, sur radiosud.net, un peu partout. Allez, à bientôt, à jeudi prochain. J'ai mangé des coups, je suis toujours debout, mais ça m'a rendu un peu parano. Tu vois les choses en. Radio Sud.